Quand nous avons quitté le cours de l'océan, nous voguons sur la mer et le feu du grand large nous porte à Nayaye, vers ses bords, où sortant de son berceau de brume, l'aurore a sa maison avec ses cœurs et le soleil a son lever. On aborde. On échoue le vaisseau sur les sables. On prend pied sur la grève et nous nous endormons jusqu'à l'aube divine. De son berceau de brume, aussitôt que sortit l'aurore aux doigts de rose, j'envoyai de mes gens au manoir de Circé. Elle accourut, parée. Ses femmes la suivaient, nous apportant du pain, des viandes à foison, du vin au sombre feu. Debout en notre cercle, elle parlait ainsi cette toute divine. « Pauvres gens, vous avez pénétré dans l'Hadès, et vous vivez encore. La mort, qui ne saisit qu'une fois les humains, vous la verrez deux fois. Mais prenez de ces mets et buvez de ce vin. Restez là tout le jour. Demain, vous voguerez dès la pointe de l'aube. Je vous dirai la route, en ne vous cachant rien, pour écarter de vous tout funeste artifice qui, sur terre ou sur mer, vous vaudrait des souffrances. » Au coucher du soleil, quand vient le crépuscule, les autres vont dormir au long de nos amarres. Mais Circé, me prenant la main, me fait asseoir à l'écart de mes gens, et pour m'interroger sur tout notre voyage, s'allonge auprès de moi. Je lui fais un récit complet, de point en point. Elle me dit alors, « Cet auguste Circé, vous voilà donc au bout de ce premier voyage. Écoute maintenant ce que je vais te dire, et qu'un Dieu, quelque jour, t'en fasse souvenir. Il nous faudra d'abord passer près des sirènes. Elles charment tous les mortels qui les approchent, mais bien fous qui relâchent pour entendre leur chant. Jamais en son logis, sa femme et ses enfants ne fêtent son retour, car, de leur fraîche voix, les sirènes le charment, et le pré, leur séjour, est bordé d'un rivage, tout blanchi d'ossements et de débris humains, dont les chairs se corrompent. Passe sans t'arrêter, mais pétris de la cire à la douceur de miel, et de tes compagnons bouche les deux oreilles. Que pas un d'eux n'entende. Toi seul, dans le croiseur, écoute, si tu veux. Mais, pieds et mains liés, debout sur l'emplanture, fais-toi fixer au mât pour goûter le plaisir d'entendre la chanson. Et si tu les priais, si tu leur commandais de desserrer les nœuds, que tes gens aussitôt donnent un tour de plus. Quand tes rameurs auront dépassé les sirènes, je ne t'assigne pas d'ici tout le parcours. À toi de décider. Et puis vous passerez entre les deux écueils, d'un côté c'est Scylla, et de l'autre Charybde. Puis vous arriverez à l'île du Trident, où pâturent en foule les vaches du soleil et ses grasses brebis. Cette harde de brebis et sept troupeaux de vaches, de 50 chacun, y vivent toujours beaux, sans connaître jamais la naissance ou la mort. Respecte ces troupeaux, ne songe qu'au retour, et je crois qu'Anitak, à travers tous les maux, vous rentrerez encore. Mais je te garantis que si vous maltraitiez ces bêtes, ces félines du navire et des gens, tu pourrais t'en tirer et revenir. Mais quand? Et dans quelle misère? Tous tes hommes perdus. À peine elle avait dit, cette toute divine, que l'aurore apparut sur son trône doré, et Circé, remontant dans l'île, s'éloigna.